cours numéro 8. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wa salam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. انتهينا ولله الحمد في درسنا الأخير من شروط لا إله إلا الله. On a fini l'étude des conditions de لا إله إلا الله. Et dans le dernier درس, on avait lu les derniers شروط. فما هي الشروط التي أخذناها في درسنا الأخير؟ Les dernières conditions qu'on a étudiées ensemble, فضل. الصدق le contraire لا المنافي لماذا الشك c'est le contraire de اليقين la certitude أما الصدق فضده تفضل الكذب الصدق c'est la véracité et le contraire c'est le mensonge الكذب ما الدليل على هذا الشرط الصدق عند من تفضل ولا يعلمن الكاذبين احسنت ومن السنه تفضل عن انس رضي الله عنه قال ذكر لي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صادق من قلبه إلا حرمه الله على النار. إلا حرمه الله على النار. أحسنت متفق عليه. الشاهد صادقا من قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى سيتي لا كونديسيون لابد من الصدق. الشيخ نجمي رحمة الله عليه إلى سيتي المنافقون كم إكزامبل. Ils ont prononcé cette shahada et ils n'étaient pas sadiq. Ils disaient quelque chose avec leur langue, cette shahada, et au fond d'eux, ils ne croyaient pas. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il les a qualifiés de kadhaboun, innal munafiqin la kadhiboun. Fama nafa'athum abadan. Thumma, shartu al-mahabba. المنافي لماذا؟ تفضل البغض فيحب ماذا؟ هذا المؤمن زد المؤمنين والتوحيد يحب تفضل يحب التوحيد التوحيد والمؤمنين ويبغض الشرك ويبغض الكفر والشرك والمشركين يحب الدين يحب هذه الشهادة Le mu'min doit aimer cette shahada et tout ce qu'elle implique. Min tawhid illahi azza wa jal wa jami' al-ibadat. Et il déteste tout ce qui contredit hadihi shahada. Min shirkin wa nifaq. Et bien sûr, ceux qui propagent hada shirk wa hada nifaq et qui l'appliquent, ayyadun billah. Al-mushrikoun wal-munafiqoun yubghiduhum fillah. Le dernier shart al-inqiyad. Ma ma'na al-inqiyad? Tfaddal. نعم الاستسلام لله سبحانه وتعالى أي يسسوم بعضهم ils ont cité un شرط un huitième شرط ما هو الكفر بالطاغوت واستدلوا بقول الله عز وجل فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى Et on a cité les savants qui ne l'ont pas cité, fait le haqiqa, ils ont fait rentrer ce short dans des shorots précédents. Et ceux qui l'ont cité, c'est pour clarifier akthar. Hada ma yata'allaq bi hadhihi ash-shurut. Et l'essentiel, comme on avait cité la parole de Sheikh al-Allama, Hafid al-Hakami, rahmatullah alayh, on a l'essentiel, c'est d'appliquer. Ce n'est pas de connaître par cœur, faqat, de les citer, ou de citer les vers de poésie, qu'ils ont été écrits par rapport à ces shurut. C'est pas ça. Al-aham. Na'am. Aham min dhalik, c'est l'application. Fakam min al-nas, kama qala al-allama hafidh al-hakami rahmatullah alayhi. يعملون بهذه الشروط et si tu leur demandes de les citer ربما يستطيعون ils ne comprennent pas هذا الكلام لكن عبادتهم elle est fondée sur l'ikhlas والصدق والمحبة ينقادون لأمر الله ويستسلمون لشريعته عز وجل ويحبون المؤمنين ويبغضون المنافقين ils aiment هذه الكلمة ils adorent que Allah عز وجل فلا شك أن هذه الشروط متوفرة فيهم Et هذه الكلمة تنفعهم نفعا عظيما. L'essentiel, c'est pas de les connaître par cœur, فقط là. Celui qui les connaît, et il connaît l'adillah, et il les applique, et il fait da'wa, هذا نور على نور. واليوم نبدأ درسا جديدا في نواقض الإسلام. Et le lien, il est واضح entre les deux babs. Le chapitre des shurut, الشيخ رحمة الله عليه il a expliqué الشهادة التوحيد il a expliqué que كلمة التوحيد elle est fondée sur ces شروط ولا تنفع إلا بهذه الشروط on est obligé d'appliquer les conditions de les connaître ثم il a cité سبب نواقض الإسلام لأن appliquer التوحيد ça suffit pas لابد من الابتعاد من هذه النواقض لأن هذا التوحيد il y a des choses qui le contredisent que Cheikh al-Islam رحمة الله عليه محمد بن عبد الوهاب il a cité dans cette رسالة مختصرة فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فلابد من الإيمان بالله ولابد كذلك من الكفر بالطاغوت من الابتعاد من هذه النواقض هذه النواقض جمعها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في رسالة مختصرة كالمؤلف صاحب الواجبات إلى ستة هنا كثير من العلماء شرحوها وكلام الشيخ نجمي عليه رحمة الله إلى سهل إلى واضح فإن شاء الله نقرأ قبل ذلك لابد من مقدمة في هذا الباب Et on l'a déjà cité à une brève introduction vima yata'allaq bit-takfir. Et comme on l'a déjà cité cette introduction quand on avait étudié avec nos frères هذه الرسالة لكن نعيدها on répète هنا لأهمية الموضوع c'est un sujet très très important. لأن ce sujet que العلماء ils ont traité, ils ont expliqué, ils ont commenté, c'est un sujet عظيم. نواقض الإسلام. أي des choses qui font sortir de l'islam. Cette personne, si elle fait cette chose, elle sort de l'islam. Et on verra que c'est pas toute personne qui fait une chose, أي من الكفر أو من النواقض, أنه forcément il sort de l'islam. لا. لكن, en règle générale, c'est هذا. Pour vous montrer l'importance de ce sujet, à faire sortir une personne de l'islam et l'al-kufr, c'est pas bil amr al-hayyin, c'est pas quelque chose de simple, de quelque chose qu'on doit prendre à la légère. Abadan. Falabud min al-wara' fi hadha al-bab. Labud min taqwa Allah azza wa jalla. C'est pour ça que les ulama, ils insistent beaucoup pour démontrer la gravité du takfir. Al-takfir c'est haqq, tant qu'il est fondé sur le haqq. أي كلام الله كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كلام الصحابة رضي الله عنهم كلام الأئمة فالتكفير c'est حق on peut pas le nier لكن بعض الناس à cause de leur ignorance à cause de l'hawa à cause de la précipitation كذلك أنهم يغبين pas أهل العلم فربما يحكمون على شخص على مسلم أنه كافر et c'est pas un كافر لأن يدي أحكام très très important des règles مهمه في هذا الباب faire sortir un muslim من الإسلام إلى الكفر c'est pas simple لأنه ce muslim il est muslim بيقين مثلا il fait الصلاة bien sûr il prononce الشهادة c'est un موحد va le faire sortir de cette ni'ma. On ne peut pas le faire sortir avec un doute. فَلْيَقِينَ لَا يَزُولُ بِالشَّكُ. Une certitude et on l'annule avec un doute. On se base sur des peut-être, sur des on dit, sur on m'a dit. Là, c'est un bab azim, il est fondé sur al-adil. Comme toute la religion. لَكِنْ هُنَا سَعْضَمْ مِنْ أَشَدْ. Pourquoi? لِأَنَّ cette personne qui bascule de l'islam al-kufr, il va avoir des ahkam. فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Maintenant, le kafir, on ne fait pas salat sur lui. S'il meurt, on ne le lave pas. S'il a des enfants, enfin, ils ne peuvent pas hériter de lui si c'est des musulmans. On ne fait pas de dua pour lui. S'il est vivant, on doit le détester. On doit l'éloigner. Il y a beaucoup d'ahkam qui sont cités dans les kutub. Al-tawhid, dans les kutub al-fiqh. Les ulama, ils insistent sur cette bab. Wallahi alhamd, il y a quelques jours, on a traité le sujet de al-khawarij, la secte. Al-Khawarij, et comme tu as dit, un de leurs principaux fondements, c'est ça, al-takfir. Pourquoi? Ils ont exagéré. Al-takfir, c'est haq, s'il est fondé sur le haq. Amma ha'oula, al-dullal al-Khawarij, ils ont kafir, man lam yastahiq al-takfir, min al-mu'minin. Ils ont fait sortir de l'islam, kathir min al-muslimin, bighayri haq. Fadallu wa adallu. On avait détaillé cette secte. Amaliyoum, une brève introduction sur هذا الحكم العظيم التكفير. التكفير, c'est le fait de faire sortir un musulman من الإسلام. C'est ça le takfir. لأن إما الإنسان إلى مسلم إما إلى كافر. Il n'y a pas de troisième catégorie. إما مؤمن إما كافر. والمؤمنون يتفاوتون. المؤمنون درجات. بعضهم ils ont un iman قوي, بعضهم ils ont un iman ضعيف, بعضهم ils ont beaucoup d'ilm, بعضهم ils ont pas beaucoup d'ilm, بعضهم ils font des péchés, بعضهم ils en font moins, بعضهم ils en font beaucoup. لكن on les appelle tous مؤمنون. والكفار كذلك. Il y a des degrés. بعضهم ils ont un كفر شديد, بعضهم ils ont un كفر moindre, لكن c'est quand même des كفرة, بعضهم c'est des منافقون. Ils font apparaître l'islam. على كل حال on a deux catégories, مؤمن وكافر. Donc, faire sortir ce musulman de cette catégorie et de l'iman, on doit avoir des preuves. On doit avoir des barahins, des hujjaj. Ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comme dans le hadith Ibn Umar radiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ayyum amri'in qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihima ahaduhuma, ou faqad ba'a biha ahaduhuma. Muttafaqun alayhi. Aïe, si un homme, une femme, une personne, elle dit à son frère, mu'min, ya kafir, et c'est pas un kafir, ça revient sur lui. Aïe, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, faqad ba'a biha ahaduhuma. Un des deux, ça reviendra sur lui. Si celui qui accuse, il a dit bihaq, c'est un kafir, celui qui l'accuse, il a des preuves. Et si c'est pas vrai, il s'est précipité, alors que c'est un mu'min, ça revient sur lui. هذا من أحاديث الوعيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان كما قال وإلا رجعت عليه. إما c'est vrai ce qu'il dit, son حكم est صحيح. إما c'est pas vrai, ça revient sur lui. عياذا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم dans ce hadith il montre la gravité du takfir, أنه c'est un sujet important. فلا تستعجل في هذا الباب. Surtout les débutants في العلم. ربما il a lu un peu le Coran, il a lu des أحاديث. Et il a pas les compétences pour appliquer. فَيُكَفِّرُ بَعْضُهُمْ يُكَفِّرُونَ بِالْجُمْلَةِ. En gros, les pays entiers, عِيَدًا بِاللَّهِ. Pourquoi les أَنَّهُمْ ils sont à la djihl? Ils pensent que tous ceux qui font une mukhalafa, c'est forcément des kuffars. Ou بَعْضُهُمْ ils pensent أَنَّ si un tel, il fait ce kuff, c'est forcément un kafir. Alors que عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ لَا. Il y a une différence entre le حُكْمُ المطلق والمعين. كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتقدم عليه إلا ببرهان أوضح من الشمس أو من شمس النهار ببرهان أوضح من شمس النهار السيل الجرار. La référence. Des preuves aussi claires que le soleil en plein jour. أي في باب التكفير. العلماء إذا انسست لأن les conséquences elles sont graves كما تقدم. وقال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن رحمة الله عليه كما في الرسائل والمسائل النجدية: والتجاسر على تكفير من ظاهره الإسلام من غير مستند شرعي ولا برهان مرضي يخالف ما عليه أئمة العلم من أهل السنة والجماعة. أي كفر مسلم sans preuve clair qui sont applicables sur cette personne. لأن كما بين الشيخ ابن عثيمين في هذا الحكم أولا يفو أن دليل صحيح واضح الدلالة أن ست شوز سي دو كفر. مثلا انسلتي الله عيادا بالله دي بروف كلير أنه سي دو كفر. فأولا اسكو سو فعل إلى أريفي أي ست انسلت سي على أريفي أون أن دليل سي دو كفر. ثانيا اسكو لا بيرسون elle a vraiment dit hada. Et on verra les shurut et les mawani'. Est-ce qu'il a la raison amla? Est-ce qu'il a été forcé amla? Thumma al-ulama yahkumun. La bud min dalil sahih et kadhalik min istidlal sahih. Et que ce dalil il soit à sa place et que cette personne elle a vraiment fait cette mukhalafa avec des shurut et des mawani'. Qala wa hadhihi tariqatu ahli al-bid'i wadh-dhalal. ومن عدم الخشية والتقوى فيما يصدر عنه من الأقوال والأفعال. أي سبخسيبتي في التكفير كفر بغير حق كفر المسلمين ساس من طريقة أهل البدع. الخوارج أطر سيبا سبيسيفيك خوارج. الروافد كذلك، المعتزلة كذلك، القدرية كذلك، كثير من أهل البدع يكفرون من خالفهم. سيبا ساك الشيخ عبد اللطيف رحمة الله عليه إلى با سبيسيفيك الخوارج. الخوارج سأصل أصولهم يعرفوا بهذا، وإلا فكثير من أهل البدع عيادا بالله إذن ست مالادي دو كفر من خالفهم. أما السني لا، السني يكفر بالدليل et il revient aux gens compétents في هذه المسألة أهل العلم. il ouvre pas les portes à tout le monde أبدا. فلهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كما في الرد على البكري: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم وإن كان ذلك المخالف يكفرهم. فتأملوا الإنصاف لا جستيس، لأن السني كي سكخش أدلة يسغى جست لا يحكم لهوى يجوش با أنتل دو كافر لأنه إلا كريتيكي أو لأنه إلا يتي أنجست أنفير لوي ميم سي لوي لو كفر. Maintenant, il prétend que ce sunni, c'est un kafir. Le sunni, il ne dira pas annahu, il m'a kafir, donc je le kafir. Là, abadan. Rubbama il s'est énervé, rubbama c'est un ignorant, rubbama il s'est précipité. Fayunsah billati hiya ahsan. C'est ça l'adl ou l'insa. Amma ahlul bid'a, kal khawarij, ou ghayrihim, fayukafiruna man khalafahum. Si tu ne les suis pas, ربما يكفرونك. ايش كونسيت في الحقيقه اي ما يتعلق بالتكفير سي با كو بور التكفير سي بور التبديع كذلك بور التفسيق. بعضهم يبدع بوركو لان تو لو سوي با او تي با داكور اويك لوي سا سي با من طريقه اهل السنه. ربما اي لي با داكور اويك تو اي سا ريست تون فرير سني. ربما اي لي با داكور اويك تو سي لوي كي الحق سي تو كي تو ترومب. فالمساله في الحقيقه راجعه الى ماذا؟ الى الدليل. Celui qui عظم الدليل القرآن والسنة فالله سبحانه وتعالى يرفعه. Et lui-même il sera صادق ويلازم العدل. Pourquoi? لأنه il s'accroche à des sources. كلام الله وحي الله سبحانه وتعالى. Donc إن شاء الله il sera في خير. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: لأن الكفر حكم شرعي فليس للإنسان أن يعاقب بمثله. تأملوا هذا الكلام العلمي. الكفر سا حكم شرعي. سي با موا كي ديسيد سي كوا الكفر او توا او ان اوتر. الكفر سا حكم شرعي. سا فيديغ كوا سا حكم شرعي؟ اي سكو الله سبحانه وتعالى الى ديزني كوم كفر سي دو كفر. سكو الرسول صلى الله عليه وسلم الى ديزني كوم كفر سي دو كفر. اما واحد اللي با داكور افيك توا او يتاكوز انجستومون او ان اوتر انجستيس. Et on le kaffar, fa hada, c'est min al-hawa. لأن الكفر سين حكم شرعي. قال كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله. واحد يمان شغطوا أو عياذ بالله فالفاحشة avec une de tes proches. Est-ce que pour se venger on va mentir sur lui et faire الفاحشة؟ نعوذ بالله. لماذا؟ لأن الله حرم هذه الأشياء. فأنا pas le droit de répondre par du haram avec du haram. أبدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله لأن الكذب والزنا حرام لحق الله. الكذب والزنا سي حرام. Même si un il le fait à un de nos proches, on n'a pas le droit de répondre par هذا. لماذا؟ Pas parce qu'on a peur ou on manque de courage ou on peut pas. لا. لأن الله حرم. فcelui qui fait ça, يقام عليه الحد. مثلا الزنا والكذب. Si c'est un endroit يحكمون بشرع الله يقام عليه الحد. Si c'est un endroit أنهم يدنوا كنا importance à هذا فادعوا الله سبحانه وتعالى. Demande الله سبحانه وتعالى أن ينصرك. Et يوم القيامة هذا الظالم يغضغى تكونت. أما كل واحد يبز فنجي كل واحد يبز أبليكي الأحكام par rapport à lui هذا سباب الانحراف والهوى. Que ce soit في التكفير أو في التبديع أو في التفسيق فالإنسان يتقي الله. C'est du دين. On ne défend pas notre nefs, on ne défend pas une sharika, on ne défend pas un groupe des proches. Là, on défend un din. On défend le sunnah. Enfin, le groupe qui est attaché à sunnah, on le défend. Le groupe qui khalaf le sunnah, هذا par rapport à sa mukhalafa. قال لأن الكذب والزنا حرام لحق الله وكذلك التكفير حق الله تعالى فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. التكفير سي حكم الله أو سي من أحكام الله عز وجل سي حكم شرعي. On n'a pas le droit de parler في هذا الباب sans دليل. كذلك لابد أن نفرق في هذا الباب بين التكفير من حيث العموم والتكفير من حيث الإطلاق. Ça c'est important. Ça veut dire quoi هذا؟ من حيث العموم ça veut dire مثلا من فعل كذا سي ان كافر sans désigner une personne particulière spécifique. من اشرك بالله سي ان كافر. Celui qui va voir un sorcier مصدقا سي ان كافر. وهكذا tous les نواقض qu'on fera. Et نحن dans notre درس quand on parlera de كافر ça sera من هذا الباب من باب الاطلاق. التعيين c'est viser quelqu'un spécifiquement اي un tel. C'est un kafir. Donc bien farraq. Qala Cheikh al-Islam rahmatullah alayhi at-takfir al-'am kal-wa'id al-'am yajib al-qawl bi-itlaqihi wa 'umumihi wa amma al-hukm 'ala al-mu'ayyan bi-annahu kafir aw mashhud lahu bin-nar fa hadha yaqif 'ala ad-dalil al-mu'ayyan. Pour dire que un tel c'est un kafir ay bi-'aynihi at-ta'yin ça vient de l'ayn ay lui-même. Il faut un dalil. Et comme on a la parole de Cheikh Ibn Uthaymin, est-ce que هذا الشخص il a vraiment fait cette chose? Est-ce que dalil il est applicable sur lui? Est-ce qu'il a sa raison? Est-ce que qamat alayhi al-hujja? Est-ce qu'il est ala al-jahl am la? Tous ces shurut que ahl al-ilm cite et qu'on citera inshallah ta'ala, thumma al-ulama yanzurun. Est-ce que هذا الشخص il mérite vraiment هذا الحكم am la? Donc on déduit de cela que ce n'est pas tous ceux qui font du kufr, c'est des kufars. Ce n'est pas chacun ou une personne qui a fait le kufr, forcément le kufr yaqa alayha. Là, عند أهل السنة, ce n'est pas comme ça. وَهَكَذَا التَّبْدِعُ وَهَكَذَا التَّفْسِيرُ. Ce n'est pas tous ceux qui font des bid'a, c'est forcément des mubtadi'a. Là, بعضهم c'est une erreur, بعضهم c'est ghafla, بعضهم c'est ijtihad. Bien différencier l'ahkam, ne pas se précipiter. بعضهم يستعجل. Il voit une chose, il pense que c'est évident, il a fait donc c'est كذا. لا. لكن la solution pour sortir من باب واسع dans cette مسألة c'est de revenir à أهل العلم. أما نحن في une époque الآن أن بعض الجهلة لا علم ولا حلم. Ils n'ont pas étudié. Ils comprennent pas le مسائل. والله بعضهم حتى العربية. Ils n'arrivent pas à parler l'arabe. Ils n'ont rien étudié. Et ils يتكلمون ليل نهار. فلان سا مبتدع فلان سا حزبي فلان سا كافر فلان سا. Et فتحوا باب شر. Même s'il a raison une fois, il se trompe 10 fois ربما. هذا لا يجوز. الإنسان يتقي الله, c'est du din. C'est du din. Celui qui dit foulan kafir, foulan mubtadi', il faut qu'il a une hujja ma'a. Léna yawm al-qiyama, il sera interrogé. Al-dhulm dhulumat yawm al-qiyama. C'est pas simple de faire sortir quelqu'un de l'islam ou de sunnah. Il faut bien se rendre compte, Anna, celui qui dit Foulan c'est un kafir, s'il meurt à la hadal had, il ne rentrera pas fil jannah. Donc s'il se trompe, c'est grave d'accuser un mu'min bihad. Qala, rahmatullah alayhi, fa inna al-hukm yaqifu ala thubut shurutihi wa intifa mawani'. Al-hukm, la bout des shurut, qu'il soit présent, et des mawani'. Et qu'il n'y ait pas une chose qui empêche le hukm. Les ulama, ils appellent cela des shurut et des mawani, qu'on va citer, inshallah ta'ala. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il a fassal fi hada, et nous, on a résumé. Min shurut, al-takfir, wa al-mawani, on citera le shart et le contraire, ça sera le mani. Al-shart al-awwal, al-ilm. Al-mani, c'est le jahl. Qala Allah azza wa jal, wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasoola. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله سبحانه وتعالى il montre dans ce verset أن il châtiera personne que si la preuve lui est parvenue. Et la preuve elle parvient بي الرسول والكتب. Ça montre أن celui qui connaît pas cette mas'ala ou il a pas reçu de message, il a pas entendu la da'wa du rasul, هذا c'est autre chose. لأن الله سبحانه وتعالى رحيم حكم عدل. Il châtiera personne sans que la preuve ne lui soit parvenue. وقال عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. الآية. الله سبحانه وتعالى كذلك il a montré هنا أن قال بعد ما تبين له الهدى أي لابد que le huda elle lui soit parvenu, ay les preuves. Wa may yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ay celui qui s'écarte du chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il meurt à la hada al-hal, Allah il le châtiera, ay il a délaissé l'islam, lakin Allah il a mis une condition min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, ay après que le huda elle lui soit parvenu. Amma si c'est pas, il est à la djihl, il n'a pas les moyens d'apprendre, personne ne lui a montré, et il fait une chose. On n'a pas le droit de se précipiter fi hadha al-hal, wa nahkum alayh. Lianna si on lui montre rubbama, il va délaisser cette chose. Hadha hal kathir min al-nas. Ils ne savaient pas, et dès qu'ils ont su, ils ont délaissé. Et ce sujet, comme vous savez, il est vaste, mas'alat al-udr bil-jahl. Il y a des dawabit, il y a des quyoud, il y a des cas où c'est clair, il y a des cas où c'est moins clair, et les ulama, ils ont un kalam kathir fi hadha. Et nous, on ne détaillera pas tout ça. Al-Muhim, tu comprends al-shart ou al-mani', amma al-tafsil, inshallah, fi ghayr hadha al-dars. Kadhalik min al-adilla al-qawiyya fi hadha al-bab, hadith Abi Hurayra, radiyallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qal, kana rajulun yusrifu ala nafsihi, falamma hadarahu al-mawt, qala libaniya. Un homme min bani Israël, parmi les enfants d'Israël, durant toute sa vie, il faisait des choses, des mukhalafat, des ma'asi. Yusrif ala nafsi, il s'est fait beaucoup de tort. Falamma hadarahu al-maut, quand il est tombé malade, la maladie de sa mort, on continue hadith. Qala li bani, il a dit à ses enfants, ay une wasiya, idha ana muttu fa ahriquni. Et si je meurs, ayyadan billah, il a fait hadith al-wasiyya al-shadida fil haqiqa. Et vous me brûlez, thumma vous propagez mes cendres fil rih. Limada? Pourquoi il a demandé hada? Qala, fa wallahi la in qadira alayya rabbi, la yu'adhibani azaban ma azabahu ahada. Khawf Allah. Tellement qu'il avait peur d'Allah Azza wa Jalla, il savait au moment de mourir, il a fait des choses très graves, il a demandé à ses enfants. Il pensait qu'avec cela, il allait être épargné. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'allait pas rassembler son corps et le châtier. Fait le haqiqa, c'est du kufr. Aïna le kufr. قادر. نعم قادر على ماذا؟ يحيي الموت. نعم على إحيائه، على جمع بدنه، على بعثه. إذا يوجد problem في هذا ليس كفر كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. لا شك أن celui qui a cette croyance أنه يpense que Allah ne va pas le ressusciter أو il est incapable عيادا بالله سجد كفر بالله بالإجماع، يا أكن خلاف في هذا. قال فلما مات فعل به ذلك أو فعل به ذلك. Quand il est mort ses enfants ils ont vraiment fait هذا، ils ont appliqué la wasiya de leur père. فأمر الله الأرض فقال عز وجل اجمعي ما فيك منه. الله سبحانه وتعالى il a ordonné l'ard de rassembler toutes les parties de ce corps et de le ressusciter. قال فإذا هو قائم أي cet homme il s'est retrouvé ou il se retrouvera أمام الله عز وجل قائم. Tout le monde sera ressuscité. قال عز وجل ما حملك على ما صنعت. الله سبحانه وتعالى il lui demande pourquoi tu as demandé هذا de te faire brûler إلى آخره. فقال الرجل يا رب خشيتك فغفر له. Cet homme il a dit quand Allah lui a demandé pourquoi, il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala خشيتك, il a eu peur de se faire ressusciter, de se faire châtier. Parce qu'il a poussé à هذا c'est شدت الخوف. C'est pas le kufr ou l'inad إلى آخره, là c'est son خوف. فالله سبحانه وتعالى غفر له. Est-ce qu'il a fait du kufr? نعم في العقيدة. C'est sa عقيدة الآن. أي شك في قدرة الله عز وجل. Est-ce que Allah lui a pardonné? نعم. Ça c'est من أقوى الأدلة أن الإنسان قد يعذر بجهله حتى في أمور العقيدة. الحديث إلى في الصحيحين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه فهذا اعتقد أنه إذا فعل ذلك لا يقدر الله على إعادته وأنه لا يعيده أو جوز ذلك. وكلاهما كفر في الحقيقة. دو كفر أن الله سبحانه وتعالى لا يقدر على إعادته، أي أن الله سبحانه وتعالى إلى pensé que Allah ne pourrait pas rassembler son corps، أنه لا يعيده أو جوز ذلك. نعم أي مسألة البعث، أي أن الله سبحانه وتعالى لو ressuscite et rassemble son corps. وكلاهما كفر لكن كان جاهلا. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. لكن يا مانع، يا مانع، يا une chose qui empêche que le كفر يقع على هذا الرجل. On dit que c'est un kafir. C'est quoi cet obstacle, ce mani'? Al-jahl. قال شيخ الإسلام كان جاهلا لم يتبين له الحق بيانا يكفر بمخالفته فغفر الله له. Allah lui a pardonné. لماذا؟ لأنه يا ce mani'? Al-jahl. Et ce jahl il a pas pu connaître الحق بسببه. والرجل il est مخلص. لماذا؟ لأن il a demandé هذا. Pourquoi؟ لأنه خاف من الله. C'est pas pour le dunya. لأنه il allait mourir. Ça montre qu'il était vraiment khaif et il était sincère, sadiq. Fallah ghafara lah. Allah ghafara li hadha ar-rajul. Kalam Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh fi ar-radd 'ala al-Bakri. Fa hadha ash-shart al-awwal, al-'ilm. Al-mani' c'est al-jahl. Al-thani, deuxième shart, al-qasd. Wa al-mani' c'est al-khata. Al-qasd ay faire ce kufr intentionnellement, volontairement. المانع الخطأ l'erreur. مثلا إنسان يدي une parole de كفر لكن خطأ من باب الخطأ فهذا il n'est pas pris en compte لأنه il voulait pas dire هذا سبق لسان أو يدي كلمة الكفر مثلا et il est نائم il dort il sait pas ce qu'il dit فهذا لا شك أنه il n'a pas voulu dire هذا فيا مانع c'est الخطأ أو النسيان هذا اللي بابخيون كنت. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. وروى الإمام مسلم رحمة الله عليه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزم الحديث قصة الرجل qui était dans un endroit dans un désert dans un مكان il n'y avait personne et il a perdu sa monture راحلته avec الزاد avec tout toutes ses provisions و الناقة هذه ذهبت sa bête elle s'est enfuie avec les provisions avec tout il est resté seul حتى il a perdu espoir فقال ثم قال أي après avoir retrouvé كما جاء في الحديث أنه il s'est allongé vers un arbre il a désespéré il attendait la mort ثم il s'est réveillé et il a trouvé sa monture à côté de lui avec toutes ses provisions فمن شدة الفرح tellement qu'il était content قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أين الكفر؟ Je répète, قال من شدة الفرح. Et cet homme, quand il a retrouvé sa monture, tellement qu'il était content, قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. تفضل. Oui, il a dit c'est moi le. نعم. C'est moi le Rab. هذا لا شك c'est du كفر. بالإجماع. Celui qui prétend être Rab. كما قال فرعون عياذا بالله. أنا ربكم الأعلى. على شك c'est du كفر. C'est من أشد الكفر. لكن pourquoi il n'a pas été pris en compte? لأن لا شك أنه il s'est trompé. Il voulait dire اللهم أنت ربي وأنا عبدك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. النبي صلى الله عليه وسلم il a montré أنه il s'est trompé من شدة الفرح. Et هذا ça arrive. Se tromper من شدة الفرح أو من شدة الغضب أو من شدة الحزن, ça arrive. Tellement qu'une personne elle est contente ou elle est énervée ou elle est triste, elle peut dire une chose لا تقصدها. ففي هذا الحال يا مانع, on peut pas appliquer le حكم. Ça c'est le deuxième شرط. Le troisième الاختيار والمانع الإكراه. الاختيار أي qui fasse un choix de dire هذا. Le contraire, c'est l'écrah, le fait d'être forcé. S'il est forcé, il y a un mani. Il y a une chose qui empêche al-hukm alayhi. C'est le fait qu'il soit forcé. قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الشاهد من كفر بالله, et Allah عز وجل il a cité al-mani إلا من أكره, sauf celui qui est forcé. Un musulman, il se retrouve au milieu de Kafara, A'da'u l'islam, et il le force à se prosterner devant un sanam, ou devant eux. C'est du kufr. As-sujud lillah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. As-sujud min as-salat. Là, il y a juste as-sujud ghayrillah. Lakin fi hadha al-hal, s'il est forcé, bi shart, bien sûr, an yakun qalbuhu mutma'innun bil iman. C'est que ce qalbi soit mutma'in bil iman. Il fait le fi'l et au fond de lui c'est un moment il déteste cette chose, mais il est forcé à qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Et cette mas'ala inshallah ta'ala, ce point on le verra en détail à la fin des nawaqid. Cheikh al-Islam il a démontré un al-mukrah, celui qui est forcé il rentre pas fi hada, et on peut pas dire que c'est un kafir s'il fait un de ses naqid, ses annulatifs, s'il est forcé. Wa hada inshallah ça viendra à la fin de la risala. الشرط الرابع التأويل غير السائغ والمانع هو التأويل السائغ أي تأويل أي il pense que telle chose l'explication c'est كذا et il se trompe. في الحقيقة ça ressemble au خطأ, لكن التأويل ça va venir d'une personne, il a des connaissances لكن l'explication il se trompe. ففي هذا الحال il est sincère, il est véridique, لكن son تأويل il est faux, on ne dit pas que c'est un kafir. والدليل على هذا قصة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه مع قدامة ابن مضعون لما شرب الخمر. القصة رواها الإمام عبد الرزاق في مصنفه رحمة الله عليه. قال عمر لقدامة, نعم قال عمر رضي الله عنه إني حادك, أي عمر رضي الله عنه c'était أمير المؤمنين, il a su que قدامة ابن مضعون il a bu. فعمر il l'a informé أنه il va appliquer le had sur lui, et il a sentence لأنه il a bu de l'alcool. فقال قدامة لو شربت كما يقولون ما كان لكم أن تجلدوني. Et si j'ai vraiment bu comme ils disent, même si j'ai bu, vous pouvez pas me fouetter. تأويل, il a mal compris un verset. فقال عمر لما, pourquoi? Ça vous montre تأني السلف تأني الصحابة. عمر c'est أمير المؤمنين, لكن il cherche à comprendre. Pourquoi? أما الأمر pour certains il peut être clair, il a bu de l'alcool, c'est clair, c'est haram. لكن التأني سطيب لماذا? Peut-être qu'il n'a pas compris une chose, peut-être qu'il y a eu un problème. فقال قدامة قال الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا. Il a compris ce verset هكذا أنه il n'y a pas de mal. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح. Il n'y a pas de mal. Tant que c'est un mu'min, il fait des bonnes œuvres. فيما طعموا. أي هنا المراد c'est الخمر. إذا ما اتقوا وآمنوا. L'essentiel c'est que ça soit un متقي, un mu'min. Le verset, il est descendu sur ceux qu'ils ont bu avant le tahrim. Quand Allah subhanahu wa ta'ala harram al-khamr, ils se sont posé la question, lakin nos frères qui étaient avant nous, et ils sont morts, ba'dhum fil jihad, etc., de sahaba, et ils sont morts avant que l'alcool soit interdit. Donc, ba'dhum, ils avaient bu. Ils se sont posé la question. Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu le verset. Il n'y a aucun mal. لماذا لأن التحريم il est venu après. Qudama il vivait et le tahrim il était déjà descendu, donc c'est interdit, c'était interdit pour tout le monde. فقال عمر رضي الله عنه أخطأت التأويل. T'as mal compris le verset, tu t'es trompé. قال إنك إذا اتقيت اجتنبت ما حرم الله عليك. Omar il lui a expliqué, il lui a dit si tu crains vraiment Allah, tu vas t'écarter de ce que Allah il a rendu haram. لأن الله عز وجل قال إذا ما اتقوا وآمنوا. Si tu crains Allah parmi taqwa, tu t'écartes de ce que Allah il a interdit. Ay al-khamr. Il a expliqué à Qudam. قال ثم أقبل عمر على الناس فقال ماذا ترون في جلد قدامه ثم جلده. ثم عمر il a demandé à الناس est-ce que on le fouette. ثم عمر il l'a fouetté. قد يقول قائل لكن il est où le rapport avec نواقض الإسلام? Il est où le rapport avec l'excuse du ta'wil par rapport au kufr? Indaman, si vous avez compris le qissa, warubama yatabayyan lakum al-murad. Faddal. Na'am, et rendre halal ma harram Allah, c'est du kufr. Et Omar, si ça serait du kufr, il ne l'aurait pas fouetté. Qatala, il l'aurait tué. Lakin Omar, il l'a excusé par rapport au i'tiqad. Celui qui pense que le khamr, c'est halal, c'est du kufr. Ça fait sortir de l'islam, لأن الله حرمه. لكن قدامة, il a pensé qu'il n'y avait pas de mal. لماذا? لأن il y avait une شبهة, un تأويل. فعمر, il n'a pas كفر قدامة. Il n'a pas dit c'est un kafir. Il rend halal ما حرم الله. Il faut le tuer. Là, il l'a fouetté par rapport à ce qu'il a bu. أما الاعتقاد, il a été excusé بسبب تأويله. هذا. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فإن كان المتأول مخطئ في تلك فتلك الحالة لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له فلا يحكم بكفره إلا بعد البيان سأقوم في الحقيقة في إقامة الحجة فعمر إلى شرشي à comprendre ثم il s'est aperçu que قدامة il avait un تأويل une erreur فإلى وجه أخطأت التأويل إلى ما حكم عليه بالكفر alors que cette عقيدة c'est du كفر. Ça vous montre que c'est pas tous ceux qui font du كفر أنهم c'est des كفار. Il y a eu un mani' mada at-ta'wil. Pour celui qui a perdu sa monture, il y a eu un mani' l'erreur. Pour celui qui a demandé de se faire brûler, il y a eu un mani' un empêchement. C'est l'ignorance, al-jahl. Hadhihi hiya 'aqidat ahli as-sunnah fi hadha al-bab al-muhim. Wa hadha al-bab, si tu as compris hadha, tu comprendras que ce genre de masail et le hukm ala al-akharin, c'est pas pour tout le monde. Que ça soit tabdi', que ça soit tafsir, que ça soit at-takfir min babi awla, c'est pas pour tout le monde. Il y en a, si on ouvre le bab à tout le monde, al-juhal, ils vont parler. Hommes, ils vont parler. Femmes, ils vont parler. Tout le monde va parler. Iyadan billah, et ça va faire du fasal. Wahad, il va kuffar un autre, il aura pas la hikma de Omar radiallahu anhu, abadan. Il va même pas demander pourquoi. Même s'il demande pourquoi, il aura pas de réponse, il a pas d'ilm. Hadha al-bab, ça revient à ahlul ilm. C'est pas tout le monde. Et pas besoin de rentrer fi niqashat, mais un tel abatan. Les ulama, ils sont présents, reviens à l'ulama. Mal mani'. Pourquoi on ne reviendrait pas à ahl al-ilm fi hadha al-bab? L'insan, yahdhar. Cheikh Al-Uthaymin, lahu kalam. Cheikh Al-Fawzan, lahu kalam. Cheikh Mokbil, lahu kalam. Kathir min al-a'imma, bayinu hadhi al-mas'ala. Nahnu, on lit la parole de Cheikh Najmi, rahmatullah alayh, liyanna, on étudie son charh. Fasu'ila an hadha, qala la yajouz. Est-ce que tout le monde peut qualifier un tel de mubtadi' de kafir ila akhirah ila akhirah qala la yajuz li talib al-ilm al-mubtadi' an yubaddi' aw yukaffir illa ba'd an yata'ahhal li dhalik. Ça montre anna talib al-ilm khassatan al-mubtadi', amma al-mubtadi' c'est une musiba. Ba'd al-mubtadi'in c'est comme des awam, il fait des efforts, il commence, il vient des durus, lakin fi al-haqiqa il a pas atteint un niveau pour comprendre ces choses fadlan an al-hukm, ay accusé. Qala al-shaykh rahmatullah alayh أن يتأهل لذلك وعليه إسناد الأمر لكبار أهل العلم خاصة C'est ça, tariqatu an-naja. Isnad al-amr. Quand on a un problème, mal mani. Pourquoi on ne reviendrait pas à Ahl al-Ilm ? Alhamdulillah, ils sont mawjoudoun fi hada al-asr. Et avec les moyens, c'est très simple de les contacter. Enfin, pourquoi se précipiter ? Comme min al-nas, min talabat al-ilm, ils se sont précédés, wa hakamu ala ba'd al-nas, et fil haqiqa, tu viens à chercher, c'était hudud nafsiya, des problèmes personnels, ou hawa, ou précipitation. Thumma shaytan y rentre, et ça farraq une umma. Al-insan yata'anna. والله سبحانه وتعالى قال في كتابه ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. Si ils auraient rendu cette affaire إلى أولي الأمر منهم, وأولاة الأمور, parmi أولاة الأمور, c'est les gouverneurs et les savants كذلك. لعلمه, celui qui voulait connaître la réponse, il l'aurait su avec cette méthode en revenant à أهل العلم. Non, هذا c'est مهم. Et كلام, beaucoup de paroles de savants في هذا. On conclut cette مقدمة بقول العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. قال والآن لما فشل الجهل واشتدت غربة الدين ظهر أناس من الذين يتسمون بالعلم يقولون لا تكفرون الناس. On cite ce kalam pour montrer qu'il y a un autre extrême, min al-dha'i'in, min al-ma'i'in, min al-juhal, annahum, ils pensent qu'il faut kafir personne, même en revenant à Ahl-il-Ilm. Foulan, ben, ba'dahum, ils ont atteint un niveau, on a Foulan, c'est un Yahoudi, Nasrani. Clairement, il attaque le din, il a akhiré. Si tu dis kafir, ils disent là. Pourtant, tu as des adilam min al-kitab, min al-sunnah, tu as la parole des savants. Lui-même, Rupama, il se dit, je ne suis pas un musulman. Et ba'dahum, ils disent là. Hada, c'est un inhiraf akhir. الوسط دائما باب التكفير باب التبديع باب العبادة باب طول أبواب الدين الوسط وجعلناكم أمة وسطا قال ظهر أناس من الذين يتسمون بالعلم ويقولون لا تكفرون الناس يكفي اسم الإسلام ولو فعل ما فعل لو ذبح لغير الله لو سب الله ورسوله لا تفرق بين المسلمين هذا من الجهل Ça, c'est minal jahl. Là, si Ahlul Ilm parle et cite l'adilla et démontre que cette chose c'est du kufr, Foulan c'est un kafir, ce groupe c'est des kafara, fa le mu'min il est avec ulama, avec le dalil. Qala, subhanallah, nahnu la nufarriq bayna al-muslimin, walakin hum laysu muslimin. Kalam jamil. Cheikh Al-Fawzan dit nahnu divise pas entre les muslimin, aslan c'est pas des muslimin. Nahnu montre la hal. Et ha'oulaf, en haqiqa, il regarde que d'un œil, il pense qu'au kafara, il pense pas aux musulmans. On inverse la question, pourquoi on ne montrerait pas leur hal pour préserver le musulman ? Si un musulman, tu ne le montres pas qu'un tel il est à la charte, peut-être qu'il va le suivre, il va croire que c'est bien ce qu'il fait. Pourquoi tu penses pas à tes frères ? Tu penses que ha'oulaf al-a'da. Qala, li'annahum lamma artakabu nawaqid al-islam, kharaju min al-islam. ثم قال ونقول نحن نكفر من خرج عن الإسلام أما المسلم فلا يجوز تكفيره هذا هذه خلاصة طيبة celui qui mérite d'être kafir فيكفر بالأدلة والبراهين avec des ضوابط en revenant à أهل العلم là vous avez compris que la مسألة n'est pas simple est-ce qu'il y a un مانع est-ce qu'il manque un شرط est-ce que le dalil il est clair est-ce qu'il n'y a pas un ta'wil tous ces exemples qu'on a cités نحن c'est pour هذا c'est pour ça qu'il faut revenir à أهل العلم Si l'alim yuthbit anna fulan c'est un kafir bil adilla, fala yajouz al tawakuf. Tu dis c'est un kafir bi kulli raha. Et incha'Allah t'es ma'jour. Lakin, comme on a dit, ta'anni, ilm, et incha'Allah ikun khayr. Qala amma al muslim fala yajouz takfiruh intaha min sharh nawaqid al islam. Cheikh Al-Fawzan il a deux sharh ala nawaqid al islam. Un mukhtasar qu'on a étudié ma'a ba'd al ikhwan fi san'a. Et il a un sharh akbar dans un mujallad des durus fi nawaqid al-islam tubi'at hadhihi ad-durus fayustafad minh naktafi bi hadha cette muqaddima avant de rentrer dans le sujet al-an avec ses shurut avec ses mawani avec ses règles on sait l'importance du sujet la gravité de ne pas se précipiter d'accuser un musulman bi ghayri haqq al-an tu apprends les nawaqid Et inshallah tu seras à la khair fi hadha al-bab. Subhanak Allahumma hamdik, shahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.